drague, mec. J'suis un 4-4, suis-moi si tu veux. T'as peur des balles, nous on a peur de Dieu. Souvent qu'on s'est pisté par les bleus. AK-47 pour dire adieu. Non, on perd ça demain. Tu piffes plein les mains avant d'aller là. Oh oh oh, on perd ça demain. Tu piffes plein les mains avant d'aller là. Oh oh oh, j'ai cassé des cuves, des cons slashés. Farah de reste, c'est le prix de la chaîne. Envoie les yébis, le reste j'achète. J'fais ça normal depuis Black Roger. Ta go qui m'attend sur le bas à côté. Les cibles dans la monde et au pape Potter. J'arrive en moonwalk comme Michael. J'arrive et ton équipe a le seum. Carré comme mon équipage. On peut déclarer la guerre, mais t'es grave chum. Arrête, on sait que t'es lâche. J'ai pas vu l'un de vos foutu visages. J'suis dans la caisse avec les homies. Maintenant remballe tous tes sourires de lâche. J'allume même Banks. Oh bitch, I'm sorry. Chez nous on fume, on ne prend pas la mâche. Oh, j'suis en 4-4, suis-moi si tu veux. T'as peur des balles, nous on a peur de Dieu. Souvent qu'on s'est boosté par les bleus. AK-47 pour dire adieu. Non, on perd ça demain. Tu piffes plein les mains avant d'aller là. Oh oh oh, on perd ça demain. Tu piffes plein les mains avant d'aller là. Oh oh oh, j'ai cassé des cuves, les fausses fâchées. Et maintenant j'ai tape fort. Obligé de kicker comme d'hab fort. Bien que certains diront que c'est hardcore. Les minots enfin ils font que se venger. Et toi t'es la prochaine cible qui manie flow avec autant de skill. Sur la mélodie de Ghost Kill. Si je suis pas dans la ville, je suis à Paris. En train de bosser des sons, tu le sais. On fait tout pour remplir nos poches. Finir riche comme Beyoncé. Je suis dans la caisse avec les homies. Maintenant remballe tous tes sourires de lâche. J'allume un Banks. Oh bitch, I'm sorry. Chez nous on fume, on ne prend pas la mâche. Non, je suis en 4-4, suis-moi si tu veux. T'as peur des balles, nous on a peur de Dieu. Souvent qu'on s'est pisté par les bleus. AK-47 pour dire adieu. Non, on perd ça demain. Tu piffes plein les mains avant d'aller là. Oh oh oh, on perd ça demain.